Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Victor et je suis ravi de vous retrouver pour cette émission Éclat de lumière du mois de juin 2026. Vous l'avez vu, les jours ont commencé à raccourcir, le soleil a fait son retour en Lorraine, enfin pas tous les jours, mais quand même un petit peu. Les vacances approchent aussi et c'est peut-être le moment pour vous de vous rendre au cinéma pour vous détendre un petit peu, à l'intérieur dans les salles obscures climatisées ou à l'extérieur pour de nombreuses séances en plein air. Et ça tombe bien puisque cette émission est consacrée au Festival International du Film de Nancy qui fait son retour cette année pour une 31e édition du 25 juin au 6 juillet 2026. Avec nous pour en parler tout au long de cette émission, Tony. Bonjour Tony. Bonjour. Avec moi également pour animer cette émission, Nuncia, la chroniqueuse et ma désormais co-autrice. Bonjour Nuncia. Bonjour Victor. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Fadjet et que vous pourrez la retrouver également en écoute sur nos deux pages Facebook, Lumière en Art et Lumière en Art officiel, mais aussi sur la page Instagram et sur le TikTok officiel de Lumière en Art, hein, qui porte nos noms. Et je n'oublie pas évidemment le site internet de Lumière en Art qui relaiera également ce podcast. Avec nous donc pour commencer, Tony qui va parler pendant une heure avec nous de ce festival du film de Nancy qui revient pour cette 31e émission. Mais avant toute chose, comme d'habitude, on va commencer par faire le spectre des invités. C'est l'heure du spectre des invités. Petit moment de présentation pour commencer cette émission. Alors Tony, je vais demander simplement, quel est votre nom, quel est votre prénom ? Tony, c'est le prénom. Glamchevski, c'est le nom de famille. Quelle est votre profession, Tony ? Journaliste et traducteur-interprète des langues slaves. Comment en êtes-vous, alors on aime bien toujours un petit peu demander, comment en êtes-vous arrivé à devenir journaliste et traducteur-interprète de langues slaves ? Quel est votre parcours un petit peu professionnel, vos études ? J'ai pas fait le journalisme, mais j'ai commencé à 14 ans dans la radio locale dans ma ville natale, à Macédoine, Bitola. Certains connaissent Bitola ici dans la région, dans les Vosges, particulièrement à Épinal, parce que ma ville natale, Bitola, est jumelée avec Épinal depuis presque 6 décennies, depuis 1968, ah oui. Parce que dans ma ville natale, il y a environ 13 000 soldats de l'armée d'Orient qui reposent depuis la Première Guerre mondiale. Oui. C'est une plus grande nécropole militaire de France, et comme ça, c'est arrivé que je viens ici en France. Sinon, le parcours des études, j'ai fait les droits en Macédoine, l'agriculture, et une fois arrivé en France, j'ai appris le français. Par amour pour mon épouse. Blandine, qu'on a reçue l'année dernière pour le festival, ouais, d'ailleurs. Et qui est directrice de festival. Je suis seulement le président bénévole, voilà, comment dire, tout simplement. Et finalement, après ici, j'ai commencé en plus du français, j'ai commencé d'apprendre l'italien. Mais l'italien, c'était plus facile que le français parce que ça ressemble beaucoup plus aux langues qu'on parle dans les Balkans. Et j'ai commencé à apprendre le russe. Ça m'a permis en même temps d'apprendre le russe et le français, serbo-croate, macédonien, après voilà. Sacré parcours avec toutes ces langues. Alors vous l'avez évoqué rapidement, on va revenir dessus. Vous êtes président bénévole de ce festival international et c'est la raison pour laquelle vous êtes présent aujourd'hui. Alors ma question est simple, comment vous avez commencé, tout simplement ? C'est comme journaliste, comme vous, un petit peu. Parce que c'était 2007 quand notre plus grand enfant, il était à l'école Charlemagne. Il avait Anne-Marie Mariette qui faisait l'atelier pour les jeunes et nous a attiré d'aller vers là-bas. En première, c'est Blondine. Et moi, finalement, il avait à l'époque, il avait des actions qu'on faisait avec l'Europe. Et j'ai couvert une des actions, le festival, et comme ça, un article de moi qui est paru sur Deutsche Welle, pour la radio, qui était publié aussi, il était repris par Courrier International. Et comme ça, j'étais contacté, oui, par l'association de donner mes avis sur les films qui viennent des Balkans, particulièrement, et de l'Europe centrale et orientale, si on peut dire comme ça, ou sud-est. Ça, maintenant, on a inventé aussi un nouveau terme, Balkan occidental. C'est, ouais, seulement l'administration qui peut inventer des choses comme ça. Et finalement, de plus en plus, je me suis engagé dans le festival et depuis 2013, je suis devenu président et délégué général du festival, c'est-à-dire responsable pour toute la programmation. Donc ça fait déjà 13 ans, c'est bien ça ? 13 ans et 14e édition. 14e édition, waouh, un sacré beau parcours. Est-ce que vous avez un élément d'inspiration du quotidien ? Ça peut être une personne, une musique ? Ah oui, toujours. La musique, c'est surtout pour des gens qui sont partis de leur pays, hein, même pour les, pour des raisons, je dirais, d'amour. J'imagine que c'est beaucoup plus difficile pour des gens quand ils partent pour des raisons, des problèmes politiques ou comme des réfugiés. Il y a toujours une petite nostalgie. Et je peux citer, c'est une chanson qui est pas, qu'ici il est inconnue, mais c'est un ami qui l'a écrit pour un. C'était un chanteur, mais également qui était compositeur de chansons plus connues pour ma ville. Il s'appelait Bitolamo Irodengre, Bitolamo pays natal. Mais il n'était pas macédonien d'origine, il était turc de Macédoine. Lui, il a immigré vers la Turquie dans les années 50. Et lui, il a écrit une chanson pour lui, qu'il a écrit « Mon âme », comme dit « Mon corps, il se trouve à Istanbul et mon âme se trouve à Bitola ». Moi aussi, comme ça, je chante « Mon corps se trouve ici, en France, mais mon âme, elle est restée à Bitola ». Et les chanteurs, et le nouveau chanteur qui a chanté, une fois, il nous a fait un plaisir de les chanter avec ses paroles, qu'il a changé les paroles de cette chanson. Et finalement, on dit c'est un déracinement, mais ça aussi, c'est une richesse, parce qu'on vit entre les deux cultures. Voilà. Très belle histoire, effectivement. Très belle histoire. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, je dis vous, mais je parle également du festival. C'est un petit peu le moment de faire la pub pour les auditeurs. Alors, allez-y. On est sur toutes les réseaux sociaux. À partir de demain, des 12, normalement, notre site internet, fifnl.com. Vous pouvez les chercher seulement sur Festival International des Films de Nancy ou IAE Festival. Souvent, il va sortir les résultats. C'est là, on aura la programmation qui va être affichée assez rapidement, presque terminée. Après, il y a les Facebook. On a deux. On a notre profil IAVO, l'ancien profil. Il y a le nouveau profil, c'est le Festival International des Films de Nancy, où il y aura toutes les informations pendant le festival. Il y a aussi sur la LinkedIn. Il y a aussi sur... comment s'appelle le nouvel réseau qui a remplacé les X de Twitter. C'est X qui a remplacé Twitter. Oui, ouais. X, mais également, on met aussi sur la Blue Sky. Voilà, Blue Sky. Sur YouTube aussi, sur la page de festival, on aura des bandes annonces, etc. Tout ça, bientôt, va être découvert la bande annonce avec tous les films qu'on a sélectionnés dans différentes sélections. Voilà, il y aura plein d'informations. Il y en a naturellement sur la Radio Fadjet et sur la Lumière en Art, qui est aussi qui est notre partenaire. Effectivement, voilà. Effectivement, on va relayer toutes ces informations et puis remettra bien évidemment les liens aux différents réseaux sociaux et au site internet. On a hâte en tout cas de découvrir cette programmation qu'on va évoquer en long, en large, en travers durant cette émission. Mais on va commencer avec un premier morceau de musique. Alors au moment où on tourne évidemment, vous ne pouvez pas voir, mais le soleil a fait un petit peu son apparition ce matin à Nancy. J'avais donc envie de vous passer un tube français qui s'appelle Soleil Bleu, puisque le groupe qui s'appelle Bleu Soleil sera présent au NJP cet automne. Alors je vous laisse un petit peu avec ce Soleil Bleu et on se retrouve tout de suite avec Tony Enuncia sur Fadjet. Comme je veux, sur des nuages, sous mon soleil. c'est des chemins que personne n'éclaire. C'est sûr, je n'attendrai pas demain, ici et maintenant. Je me réinvente, le monde m'attend. Libre des ombres, libre du temps. Est-ce que tu entends, oui, ce doux refrain comme une incantation? Et je dis, oh, laisse-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau. De retour sur Fadjet, c'est l'émission Éclat de lumière du mois de juin et nous sommes toujours avec Tony du festival Ayaï qui va nous évoquer désormais, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, j'ai envie de dire, pour évoquer un peu tous ensemble la programmation Nuncia. Et oui Tony, alors pouvez-vous revenir rapidement sur l'histoire et la création de ce festival pour nos auditeurs? Le festival a été créé en 1994 par les étudiants de l'Institut européen des cinémas et de l'audiovisuel et des facultés des lettres. C'est des étudiants qui ont été inspirés et qui ont trouvé un nom original du festival et de l'association Ayaï. Après, il est devenu en 2001 Ayaï VO pour la version originale. Pourquoi Ayaï? Beaucoup de gens ne savent pas les chansons mexicaines. Ayaï, c'est plutôt un petit lémurien de Madagascar, un animal nocturne. Et que ça fait plaisir quand on explique aux enfants, quand on fait les projections pour les jeunes publics et surtout pour le festival de la petite école des films courts. C'est le petit frère des grands festivals internationaux. C'est, comme on dit, c'est un petit animal nocturne avec les grands yeux et les grandes oreilles et qui vit la nuit. Comme les gens qui sont dans la salle de cinéma. Voilà, c'est un petit peu l'histoire. Et c'est notre emblème de l'association. Le festival a changé le nom jusqu'à 2013. C'était Ayaï Film Festival. Ça marchait bien à Nancy. Les gens connaissaient le festival sur ce nom. Mais à l'extérieur, c'était beaucoup plus difficile. Et en 2013, on a donné un nom beaucoup plus, je dirais, banal. Festival plus international, général, plus général, Festival international des films de Nancy. Lorraine, et après la fusion de Lorraine avec Grand Est, on a seulement laissé rester sur le Festival international des films de Nancy. Dès l'origine, le festival était tourné beaucoup vers l'Europe centrale et orientale. On était limité jusqu'à 2013-2014, surtout sur les films européens, c'est-à-dire européens des 46 pays membres du Conseil de l'Europe. On a suivi dans les différentes éditions du festival un petit peu agrandissement de l'Europe, c'est-à-dire de l'Union européenne. Et depuis 2014, on s'est ouvert à l'international parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de demandes, des films, propositions de films qui venaient à l'extérieur des frontières de l'Europe. Et finalement, pourquoi se priver des cinémas sud-américains, des cinémas japonais, coréens? Vous êtes ouvert vers l'international. Vers l'international, tout à fait. Et le festival, finalement, il est beaucoup plus connu, je dirais, peut-être malheureusement, à l'international que sur le niveau local. Voilà, c'est un grand défaut, peut-être c'est notre faute aussi qu'on n'arrive pas bien à communiquer, mais c'est aussi, il n'y a pas de visibilité des festivals. Cette année, il y aura vraiment un effort qui a été fait par la métropole et par la ville de Nancy pour qu'ils nous présentent un petit peu mieux dans les centres-villes pour qu'ils voient qu'il y a un festival. J'espère que ça va marcher. Et comme on a parlé beaucoup de soleil au début de l'émission, j'espère qu'on aura des soleils parce que la spécificité des festivals, c'est justement ces projections en plein air. C'est ça. Ouais. Au départ, c'était sur la place à Charles III, avec les simples cirades blanches pour présenter les films. Après, depuis 2001, c'est installé dans la cour de la manufacture, côté médiathèque. On va revenir justement. Vous anticipez toutes les questions. Dites-moi, comment s'est déroulée la sélection des films? Et puis, cette année, on a un focus sur la République tchèque. Alors, pourquoi le choix, justement, de ce pays? Je vais commencer pour la sélection. Cette année, on était inondés de films. On a reçu environ 3800 films à court-métrage, du monde entier. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est première fois. D'habitude, c'est énorme. Ça me semble gigantesque. Oui, on a eu presque toute la production des courts-métrages françaises pour de l'année qui se sont inscrits, c'est-à-dire un tiers des films qui se sont présentés. Et tout le reste, ça vient du monde entier. Et là, ça complique un petit peu plus la sélection, parce qu'il y a beaucoup de films à voir. On regarde les films avec une vingtaine de bénévoles. On a des séances de visionnage, des présélections aussi, qui sont faites du mois de janvier jusqu'au mois de mai. Et finalement, certains des films ont été projetés au public, comment ils vont réagir et ils vont être présentés au festival. Là, on est en train de... Malgré qu'il y ait cette dizaine de jours avant le festival, on est en train de boucler la programmation internationale, française et grande région. Jeune public, elle est déjà complétée. Et on a une sélection, par exemple, sur Amérique latine, mais on va revenir peut-être après plus sur ça. Oui. Et on a réussi environ 200 longs métrages pour sélectionner une vingtaine. Et pour la République tchèque, pourquoi on a choisi la République tchèque? Ah oui, c'est vrai, la République tchèque. Pour les différentes raisons, parce que souvent, le cinéma tchèque, c'est un renouveau. Ça suffit de passer par Cameo, qui est aussi un partenaire de festival, de voir nombre de films tchèques qui sont passés ces derniers temps. Il y avait comme un vide à un moment dans les cinémas tchèques, mais là, il y a des nouvelles générations, l'Académie des Fameux de Prague, qui fonctionne encore très bien. Il y a des nouveaux réalisateurs et on a des contacts avec le centre de cinéma tchèque. Et quand on a commencé nos sélections officielles en compétition de films documentaires, on a travaillé beaucoup avec le centre de cinéma tchèque pour les films documentaires qui nous a permis de s'élancer sur la scène et d'avoir cette spécificité un petit peu d'avoir des films qui viennent un petit peu de l'Est de la France. Une petite réflexion ou interrogation comme ça. Vous dites que vous avez reçu la totalité la quasi-totalité de la production des courts-métrages. Ça veut dire que le tissu local, la reconnaissance locale n'est peut-être pas présente, en tout cas on souhaite qu'elle le soit un petit peu plus, mais il y a quand même, ça veut dire, une reconnaissance professionnelle du festival qui est quand même assez importante par conséquent. Oui. Et surtout sur les courts-métrages, même sur les documentaires, on est parmi les festivals, parce que notre festival est généraliste. On a tous les genres des films, on a des sélections des longs-métrages, des fictions qui ne sont pas à compétition, des documentaires qui sont présentés, qui ne sont même pas, les prix chez nous ne sont pas sponsorisés, on n'a pas de l'argent pour donner au prix, comme certains festivals, mais quand même, selon la programmation qu'on a, on est parmi les meilleurs festivals qui font les présentations des films documentaires. Pour les courts-métrages, c'est vrai, on est très connus, on a des réputations d'être un festival où la sélection est très très sévère, parce que vous imaginez, des 3500 films, on va sélectionner une centaine. Ah oui. Sur les 3500 3800 courts-métrages. Ouais, sur les courts-métrages. Sur les courts-métrages, ça veut dire que la sélection est plus que dure. Hein, Ah oui, c'est clair. La sélection se fait sur quels critères précisément? Le premier critère, c'est sur l'engagement, les beautés. Le festival, il y a une sensibilité, c'est les droits humains. C'est pas droit de l'homme, droit humain, beaucoup plus large. Exactement. Et finalement, on peut raconter une histoire personnelle de quelqu'un qui ça peut toucher. C'est un festival engagé, hein. On peut pas dire qu'il n'est pas engagé, mais il y a aussi des films qui sont drôles, qui sont, comment dire, inquiétants quelquefois. Mais le premier critère, c'est le ressenti de celui qui sélectionne. Est-ce que le film, ça peut lui plaire déjà à lui? Parce que chacun de nous, on peut regarder le même film, et chacun de nous, il peut avoir une autre sensibilité. Oui, bien sûr, films. C'est le propre de l'art. Tout à fait. Et après, c'est de choisir par rapport aux critères cinématographiques. Est-ce que le film tient? Surtout sur les courts-métrages, ça se voit très bien. Hein. S'il est mal conçu, les courts-métrages, finalement, les courts-métrages, c'est plus difficile de les faire qu'un long-métrage. Et c'est l'histoire, le scénario, les jeux d'acteurs. C'est l'idée qui veut passer les réalisateurs. Voilà. Alors, on a parlé un petit peu donc d'un point de vue général de vos critères, mais on va rentrer un petit peu plus au cœur maintenant. Quels sont finalement les films, les auteurs, les courants que vous souhaitez faire découvrir cette année? Vous avez parlé de catégories aussi, il me semble. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus les différentes catégories qui vont composer ce festival? On a cru entendre la compétition, il y a des critères géographiques aussi. Les critères géographiques, c'est le focus de pays qu'on fait, c'est la République tchèque. Là, on aura des films de République tchèque qui sont des film des patrimoines, qui vont être une partie présentée en plein air. Quand on va revenir tout à l'heure, je vais parler de quel film il s'agit. Et les films qui sont d'actualité, ça c'est la République tchèque. C'est les fictions, documentaires, patrimoine et courts-métrages. Courts-métrages aussi, il y a une projection pour les enfants des festivals spécialisés en République tchèque pour les jeunes publics au festival des Zlín. L'autre sélection, il y a un tout, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a beaucoup, il y a 16 sélections pendant les festivals, différentes sélections. C'est-à-dire, on a souvent 5 sélections des films internationaux, des courts-métrages, 2 sélections des, qu'on appelle sélections des courts-métrages françaises. Sans doute, il y aura aussi 2 sélections des films qui sont des grandes régions, sélection Sous les étoiles, qui est plus prestigieuse et plus connue par les Nancéens. Après, c'est la sélection des films documentaires en compétition, hors compétition. Sélection, comme je dis, sur le focus de la République tchèque. Il y a aussi les films qu'on travaille avec l'Institut Goethe, qui seront présentés en plein air. Il y a les sélections des jeunes publics par les tranches d'âge. C'est-à-dire, on commence des 3 ans, c'est jusqu'à 3, 5, 7, 7, 9, si je ne me trompe pas. Parce que c'est pas mon domaine, c'est plus Blondine et l'équipe des petites écoles de films courts qui travaillent sur ça, ou pour l'éducatif qu'on appelle, et les sélections familles, voilà, qui est aussi dans le cadre des jeunes publics. Souvent, il y a aussi tables rondes qui vont être organisées, ou les conférences, et cela avec les présences des réalisateurs. Voilà, en tout, ça fait 16 différentes sélections qui sont présentées et qui vont être disponibles assez rapidement sur le site internet. J'allais dire, ouais, on l'a évoqué, donc ça va être disponible là rapidement pour faire votre choix finalement, pour choisir parmi ce que vous avez envie de voir. Alors, on a parlé du coup du focus sur la République tchèque. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, bah, justement, ces films alors à la fois de patrimoine, peut-être des films aussi récents sur la République tchèque, puisque c'est le pays qui est à l'honneur cette année finalement. Je vais commencer déjà aux caméras actuellement. Vous avez le film Fater, qui nous a été proposé au festival, mais comme il est sorti en salle, on ne les prend pas, parce que déjà, ils passent au caméo. Après, les films avec lesquels on va ouvrir officiellement le festival sur la plein air, c'est un film de Miloš Forman. Tout le monde connaît Miloš Forman, mais côté américain, Amadeus, etc. Mais nous, on a choisi un film qui est un petit peu... il est connu en France, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas inconnu, c'est « Au feu le pompier ». C'est au titre original, c'est « Orima Paninko », c'est-à-dire... c'est le film qui était le dernier film de Miloš Forman, tourné en 1967 en Tchécoslovaquie à l'époque, qui a provoqué même des manifestations et des protestations des pompiers des Tchécoslovaquies parce qu'ils pensaient que le réalisateur les tourne en ridicule. Mais finalement, c'était une critique des sociétés communistes et des sociétés dans lesquelles vivaient les Tchécoslovaques à l'époque, aujourd'hui les Tchèques et les Slovaques. Ouais. Et c'est les films qui, même Miloš Forman, était obligé d'aller dans les salles de cinéma pour se justifier. Et finalement, même les producteurs italiens s'est retiré de cette distribution des films. Et je crois que c'est Truffaut qui l'a sauvé le film d'une manière et qui a permis le film de vivre. Il était présenté au Festival des Cannes en 1968, mais comme vous savez, il n'y avait pas de festival cette année-là. C'est coupé le festival, vous savez, pour les événements. Avec les nouvelles vagues. Et c'est un petit peu un festival qu'on dit le film qui annonçait un petit peu ce qui se passe en République tchèque. Je ne vais pas vous raconter les films, mais vous venez les voir parce que c'est aussi ça montre on a tout mais on a rien. Finalement, c'est ça qui est le message du film. Le deuxième film, c'est aussi Miloš Forman, mais là, on va faire un clin d'œil de son période américain, c'est le film, je prononce pas bien en anglais, c'est Air, c'est le film comédie musicale avec la fameuse titre et chanson qui on dit c'est anti-guerre finalement. Et on voulait faire un clin d'œil à cette saison. Après, pour les autres films, on a le film Dry Season, ou les sécheresses, si on le traduit en français, en tchèque c'est Suchu. Ça raconte un petit peu la bataille entre les agricultures intensives et extensives. Et finalement, même les gens qui essayent de faire la culture extensive, finalement, sont pollués par ceux qui font l'intensif. C'est un combat, c'est pas seulement qui est présent ici chez nous. On parle beaucoup de ce qui se passe aussi en France, mais on voit très bien que dans les autres parties de l'Europe, c'est la même chose. Après, parmi les films tchèques qu'on va présenter aussi, il y a les films... Excusez-moi, sous le micro, j'ai touché. C'est le film Virbel de Tomáš Hubáček. C'est une fiction, un petit peu expérimental presque, parce que c'est Tomasz Hrubaczek, il était primé chez nous pour son film Labo, film expérimental. Et c'est la première présentation des films ici à Nancy, après, c'est son premier long métrage, et on est très contents de le découvrir. Au Caméo, on fait ensemble, et ça c'est intéressant, c'est avec une tarif Caméo, c'est pas les tarifs des festivals, c'est les films Caravane. C'est un film aussi tchèque de la réalisatrice Jujana Kishnerova. C'est un petit peu road movie sur son propre expérience qu'elle a vécue avec son enfant qui était handicapé. Et jusqu'à ce film, c'est son premier long métrage aussi. Il était présent au Festival des Cannes l'année dernière. Il parle des difficultés de vivre avec et d'être accepté par les autres finalement. Jusqu'à là, elle était connue comme réalisatrice des films documentaires, des courts-métrages, et s'est lancée sur le long-métrage. On aura au Caméo aussi le documentaire qui était oscarisé, des réalisateurs tchèques, Mr. Nobody contre Poutine. Ah oui, voilà. Ce sera présenté en version originale, qui montre aussi un petit peu comment fonctionne le système. Et il y aura un autre film tchèque qui est un petit peu qui est Sedmi Kraski, Les Petites Marguerites ou Daisy, ça dépend comment on le fait, qui est un film aussi restauré, c'est une comédie de 1966. Il était présenté aussi au Festival des Cannes 67, je crois. Voilà. Une très belle sélection, hein, c'est éclectique. Je pense que Nuntia sera d'accord avec moi, ça a l'air beau d'être programme. Fort en émotion, mais éclectique. Attention, question piège pour finir cette première partie d'interview. En dehors, on va dire, pour présenter un petit peu les autres sélections du focus sur la République tchèque, est-ce que vous avez un coup de cœur personnel ou alors, allez, on vous en autorise peut-être 2-3 si vous avez envie d'en mettre à l'honneur un petit peu plus, mais comme il y a 16 sélections, je me doute que ça va pas être facile. Ah oui, c'est pas facile, par exemple, des films, par exemple, les films tchèques, moi j'aime bien Au feu les pompiers, hein, parce que j'ai vécu dans ce système. Bien sûr. C'était pas aussi dur comme en République tchécoslovaque, mais. Il y a une résonance. Il avait résonance et on peut reconnaître aussi un petit peu cet humour, cette manière de jouer. J'aime bien aussi, le film qui est Caravane. C'est vrai, c'est difficile, je disais tout à l'heure, c'est comme vous demandez à un parent de choisir quel enfant, cet enfant. On a choisi les films, sans doute on l'a aimé. Voilà, il y a en plus d'autres films qui vont être présentés sous les étoiles, c'est-à-dire en plein air, dans la Coupe de la médiathèque, qui sont très très bons et qui sont très très engagés. Je ne sais pas si on peut parler tout de suite ou après. Si c'est un coup de cœur, vous pouvez en évoquer un ou deux dès à présent. Nuncia reviendra dessus après. Moi, j'aime beaucoup les films qui vont être à la clôture des festivals pour les soirs, pour annoncer l'année prochaine. Ce sera la Col de Var ou la. Titre original, c'était Zimna Wojna. C'est le film polonais de Paweł Pawlikowski. Ah, mais bien sûr, qui a été primé à Cannes il y a quelques semaines. C'est pas le même film. Oui, c'est pas le même film. C'est avant-précédent film, c'est de 2018, celui-là. Il était primé aussi à Cannes. Et selon des gens, ils ont dit, à l'époque, ça lui méritait la Palme d'Or. Le titre, c'est en français. Enfin, le titre qu'ils ont apporté en France, c'est pas Cold War ou quelque chose comme ça. Cold War, tout à fait. Bien sûr, ouais. Cold War. Ouais. C'est Cold War, c'est le titre international, mais c'est Zimna Wojna. C'est le film, je sais pas, c'est un film, c'est une romance, drame. Où les rideaux de fer séparent l'amour, que c'est lui qui cherche la liberté, qui part à Paris, et l'autre reste en Pologne, et finalement c'est le destin brisé. Sur 10 ans, le film se passe sur 10 ans. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est très touchant comme film, et noir et blanc, magnifique. Oui. Voilà. Vous dites que ça annonce l'année prochaine, donc cela signifie que le focus 2027, c'est la Pologne. Tout à fait. Oh là là. On a un scoop. Oh là là. Je pense que nous pouvons mettre un petit morceau pour digérer cette information. Donc le festival 2027 aura donc un focus sur la Pologne. C'est normal pour une ville qui est très polonaise. C'est vrai, tout à fait. Tout à fait, je suis bien d'accord. On va se laisser avec un tout petit morceau. On revient dans quelques instants pour évoquer la suite de la programmation, les différents lieux, les informations pratiques ensemble dans la deuxième partie de cette émission. Le morceau, vous le connaissez, Dracula, c'est Tame Impala. À tout de suite sur Fadjet. Hey Kevin, what's up? Come pull up in my spot. Let's keep the night glowing. I don't ever wanna stop. I'll never leave this floor. Got my knee to blow. Sky is turning blue. Let it clear. The smoke lips stain on the wind. Face is about to blow. Sinking in my teeth. I bite tongue, tongue, tongue. De retour sur Fadjet, vous l'avez entendu avec ce très beau morceau de Tame Impala. Moi j'aime toujours autant, comme tout son dernier album d'ailleurs, qui est vraiment très très bien. On va revenir donc à présent un petit peu sur justement le festival Ayaï et une petite question peut-être sur ce qui va clôturer finalement le festival Nuncia. Et oui Tony, alors on a parlé de sélection, beaucoup de films, 16 sélections. Est-ce qu'il y a une récompense, un titre, un prix qui sera décerné Il y a plusieurs prix qui sont décernés pendant le festival. Il y a le festival pour les courts-métrages international, français, grande région, général pour et labo, et général pour toutes les courts-métrages. Mm-hmm. Il y a prix pour le meilleur documentaire et documentaire, le prix de presse, qui est constitué par les journalistes accrédités au Conseil de l'Europe et aux institutions européennes à Strasbourg. Mais notre prix ne sont pas dotés, c'est-à-dire il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas des cadeaux, sauf c'est le prestige d'avoir une reconnaissance de le travail. Et on voit très bien que le réalisateur concours et la maison de production au festival sont intéressés justement par le prestige d'avoir un prix. Mmh. Et ce sera un trophée qui est élaboré par le Cité Verrière International des Maisantales. C'est un petit aïe-aïe, symbolisé les queues de petit aïe-aïe. Et ce qui est intéressant, c'est chaque trophée, il est unique parce qu'on ne peut jamais le reproduire de même manière parce que c'est fait à la main et il a toujours les petites différences entre les deux aïe-aïe. C'est une valeur tout de même et c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance, tout à fait, oui. Parce que ça aussi, quand c'est décerné par ses compères, parce que souvent les jurys courts-métrages, c'est professionnel, mais on a aussi les jurys lycéens et jurys étudiants. Les jurys étudiants qui décernent pour les prix labo. Et d'un jury lycéen, c'est pour tous les courts-métrages. Et en plus, ils font une petite sélection de 5-6 films qui peuvent voyager ensuite et présenter les autres lycéens. Ce qu'on a fait cette année, par exemple, la sélection qui était faite par le jury lycéen, elle était présentée aux lycéens en Macédoine, par exemple. D'accord, très bien. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé des courts-métrages, des longs-métrages. Un petit mot sur les documentaires? Ah, les documentaires, c'est l'autre spécificité. On aura 13 documentaires qui sont en compétition, qui traitent des sujets très très différents. Et on commence par exemple avec les films Trace, un film de Ukraine qui raconte de manière très pudique les guerres qu'utilisent les Russes contre ce pays et surtout contre les femmes, les viols desquels sont victimes les femmes. Après, c'est un voyage un petit peu partout sur les différents problèmes. On a les clowns de Gaza. C'est un film, comment on fait pour détendre les enfants qui vivent la guerre. On ne peut pas imaginer ce qu'ils vivent, ces enfants, et même les adultes, tout le monde. On parle beaucoup, mais on ne parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de témoignage. Et là, c'est un clown qui essaye d'améliorer un petit peu la vie des enfants dans les campements où ils se trouvent. Ils sont balayés un petit peu partout de tout. Après, on a un film qui m'amène dans mon pays natal, en Macédoine, La montagne ne bougera pas. C'est un film qui raconte l'histoire de une fratrie de 4 frères de différents âges, 2 qui sont plus grands, adultes, et 2 qui sont plus jeunes, qui gardent leurs moutons avec leurs chiens, qui font leur fromage et qui réfléchissent sur la vie et sur l'avenir. Voilà un film qui nous amène à Niger, là où l'Europe fait ses premières frontières, on ne parle pas beaucoup, pour empêcher les demandeurs d'asile, c'est-à-dire migrants, de passer la frontière avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer. On ne parle pas beaucoup de ça, mais c'est un premier filtre qu'on essaie de faire avec, même soutenant quelquefois des régimes ou des mouvements qui ne sont pas très démocratiques, c'est bon pour empêcher les migrants ou les gens qui cherchent la meilleure vie de venir chercher ailleurs. On aura un film qui nous amènera en Liban et les poissons volent au-dessus de nos têtes. C'est un film qui raconte la vie de 2 personnes qui ont vécu tout à Liban, et on voit très bien ce qui se passe aussi à Liban. Ça veut dire c'est sous-marqué à vie, et tout ça bien se sûr. Passe sur la plage de Beyrouth qu'on avant, avant les guerres qu'on a eues là-bas, c'était souvent appelé le Paris d'Orient. On va aller en Croatie, qui nous explique comment on commence une guerre. C'est pacificateur, si on dit le titre français. C'est peacemaker en anglais. En croate, c'est Miro Tvorac. Raconte la vie et l'action des chefs de police de Osijek. Son nom, c'était Kir, qui essayait d'empêcher la guerre, mais il était tué par le sien. Voilà. Et comme ça, la guerre a pu commencer. Recommencement, c'est un film de témoignage des traumatismes qui est provoqué par la guerre. C'est un vétéran américain. C'est Isabelle Ingold qui a fait le film, qui était primé chez nous au festival il y a quelques années. Et en plus, c'est pas n'importe quel vétéran. C'est un vétéran qui est d'origine des tribus indiens, qui raconte ses traumatismes et son, comme dit, d'essayer de vivre de nouveau une vie normale après les horreurs qu'il a vues. Il y a Rachid, l'enfant de Sinjar, sous les minorités kurdes yézéites, je crois, qui le retourne dans son pays, qui raconte sa vie. Il y a plein de films, hein, j'ai dit, c'est Delta, oui. C'est ce qu'on dit, les Delta, qui racontent sous les vies des pêcheurs, des conditions en Grèce. Il y a les films Fiume o Morte, qui est un petit peu plus comique, mais quand même, ça pose beaucoup de questions sur la naissance du fascisme en Italie et l'attentif d'annexer la ville d'Rijeka en Istrie. Alors, voilà, il y a plein de films comme ça. Les documentaires, finalement, sont centrés quand même sur les droits humain, avec des thématiques sur la guerre aussi. Sur l'actualité, comment on peut s'en sortir? Par exemple, il y aura une projection qui sera spéciale un petit peu, parce que le film, on n'a pas pris en compétition. Parce que de l'autre côté, le narrateur, c'est mon cousin Germain que j'ai rencontré pour la première fois une fois. Il raconte son propre expérience de psychologue. Il a fondé en Cambodge son institut. Il a fondé l'institut de psychologie et il travaillait sur le traumatisme des guerres avec les enfants soldats des Khmer Rouges. Et c'est un film témoignage qui est fait en plus par son nom, c'est Grant Hennessy, qui était ici à Nancy. Il a travaillé à Totem. Et finalement, il vient avec les films. Ce serait une projection gratuite pour tout le monde, le premier dimanche du festival, à 10h30. Comme ça, pour plus de monde, pour pouvoir découvrir un petit peu ce qu'ils ont fait sur le travail. Voilà. Très bien. Donc, tout le monde, en fait, pourra voir le documentaire ou le court-métrage qui lui plaît. Je veux revenir maintenant pour le public jeune. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place? Oh, il y a beaucoup, beaucoup de films. Comme je dis tout à l'heure, il y a plusieurs sélections pour les jeunes publics. Mmh. Il y a la sélection à partir des 3 ans jusqu'à 14 ans, je dirais, jusqu'à collège. Après, il y a aussi la sélection famille. Ce sont des films souvent qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. C'est des films qui sont sélectionnés par une équipe pédagogique qui fait réfléchir sur les films. Et on est très, très contents. La semaine dernière, on avait une projection qui était organisée dans la pause famille. Et les familles qui découvraient, beaucoup de gens qui sont venus, ont découvert pour la première fois nos sélections pour les jeunes publics. Ils étaient ravis. Pourtant, c'était des films qu'on a présentés avant et ce sont des films nouveaux qu'on a sélectionnés aussi et qui vont être présentés. Je ne me souviens pas des titres des films, mais il y a beaucoup de thématiques qui sont racontées aussi, parce que c'est seulement un film pour s'amuser, mais c'est aussi pour réfléchir et pour accompagner les enfants, et sont vraiment adaptés à leur âge. Ce qui veut dire que finalement on peut venir en famille. En tout cas, le message, c'est le festival n'est pas adressé qu'à un public cinéphile, adulte, etc. Il y a quand même des sélections pour les enfants, tout pour leur fait. Permettre voilà, de découvrir aussi, parce qu'ils ont leur propre cinéma, et c'est important de le mettre en valeur. Et finalement, c'est pour les amener vers l'autre cinéma, parce que souvent, maintenant, on voit très bien que les enfants sont aussi attirés par les écrans, par les petits écrans sur les téléphones. Bien sûr. Et c'est un clin d'œil qu'on a fait aussi avec notre affiche de festival que vous allez redécouvrir. C'est avec quelqu'un qui prend la photo avec son appareil mobile, qu'on dit avec son smartphone, mais ce n'est pas la même chose quand un photographe prend la photo ou quand un cinéaste prend, qu'on dit fait un film. Ce n'est pas du tout la même chose quand vous voyez sur le grand écran et sur le petit écran. Même nous, on est surpris parce que quand on sélectionne les films, on les voit sur le petit écran, sur l'écran d'ordinateur ou de télévision. Mais quand vous les voyez sur le grand écran, vous voyez même les détails que vous n'avez pas vu. Oui, ça prend une autre ampleur. Et finalement, le film est fait pour le grand écran. Bien sûr. Avant de revenir pour une dernière question sur un petit peu les dates, les lieux, j'avais quand même envie de vous demander, est-ce que, à l'exception, vous l'avez évoqué rapidement, à l'exception des séances qu'on va avoir pendant ce festival, est-ce qu'il y a quelque chose qui va entourer ces séances? Je pense notamment des tables rondes, des conférences. Si vous pouvez nous en évoquer juste très rapidement un petit peu ce que c'est, ce qui va entourer justement cette compétition et ces films. Il y aura toujours, on n'a pas encore fixé la thématique, mais normalement il y a toujours une table ronde qui est liée avec l'actualité du moment. Également, quand on aura des invités, les réalisateurs, souvent ils ont la rencontre avec le public qui s'est fait juste après les séances, mais après qui continue sous les marronniers, c'est-à-dire dans notre espace convivialité, parce qu'il ne faut pas oublier dans le festival, il y a tous les soirs un concert, un mini-concert d'une heure. C'est bien gratuit. Il ne faut pas l'oublier. Gratuit. Bien de l'avoir dit. Voilà, et ce sont des groupes souvent des Nancy, des alentours des Nancy qui jouent sur la scène des marronniers, comme je dis, ou sous le marronnier. Mmh. Et là, il y a aussi le bar et la restauration qui est proposé pour échanger. Et beaucoup de nos invités, quand ils viennent, sont très ravis qu'ils peuvent partager un verre ou manger presque en même temps sur la même table avec le public. Et c'est les rencontres, les échanges. Et ce qui lui plaît beaucoup, c'est justement cet espace de convivialité qui est développé. Sinon, pour la restauration, on ne peut pas faire la publicité, mais c'est au grand sérieux c'est depuis des années qui va nous rassurer cette année aussi la restauration pour les invités. Et pour les équipes, également pour les spectateurs. C'est quand même bien de l'évoquer, de le mettre en valeur. Oui, effectivement, fait, parce que ça participe à la convivialité du festival. Dernière question pour finir cette interview. Est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler les dates et aussi les lieux qui vont accueillir les séances pour finir pour ce festival? Le festival officiellement commence l'après-midi, le 26 juin, c'est un vendredi. Les séances des plein air sont 22h parce qu'il fait jour avant. Oui. Les concerts, c'est entre 19h30 et 20h qui commencent. Ça veut dire la possibilité de se restaurer, de se détendre sur le marronnier et aller au cinéma, aux séances des plein air. Séances des plein air, c'est dans la cour de la manufacture côté médiathèque. Côté convivialité, c'est côté marronnier qu'on appelle ou côté théâtre de la manufacture. Les salles qu'on utilise, c'est les salles de Polymage, se trouvent aussi dans la cour de la manufacture. Côté l'entrée et en face, il y a l'IECA, l'Institut européen des cinéma et du visuel, c'est notre partenaire. Il y aura les projections à la médiathèque, à Vendeuvre aussi, avant le festival pour les jeunes publics. Ça, c'est intéressant de voir pour les gens qui peuvent aller. Et je crois que c'est des séances gratuites offertes par la ville de Vendeuvre, ou les médiathèques de Vendeuvre, je ne me trompe pas. Il y aura aussi au Goethe-Institut des projections, parce qu'on aura deux longs métrages en parallèle qu'on a fait avec l'Institut Goethe qui vont être présentés sur les étoiles. C'est les films, si je ne me trompe pas pour le dire, je suis parti sur les autres films. C'est par exemple, c'est les films Impatience du cœur de Laura Kress, et l'autre film c'est Soleil et béton de David Nent. C'est des films très très engagés aussi. On aura aussi le Conservatoire régional d'image aussi, deuxième partie qu'on dit pour les projections, voilà, des salles, et naturellement le cinéma Caméo pendant 5 jours, de lundi au vendredi. Il y aura des films qui vont être présentés, une partie ce sont un film qui sera sous les tarifs des camions, c'est les films Caravane, et les autres, c'est tarifs festival. Voilà. Merci beaucoup, Tony, pour toutes ces informations et pour nous avoir présenté un peu plus en détail ce très beau Festival international du film de Nancy, qui débute donc, vous pouvez nous rappeler la date? Du 26 juin au 5 juillet. Vous pourrez retrouver toutes les informations, les réseaux sociaux, l'affiche sur nos réseaux sociaux et sur le site donc de Lumière en Art, mais aussi sur le site, bien évidemment, du festival. De toute manière, vous restez avec nous pour la suite de cette émission, pour la dernière partie. Mais avant ça, il n'y a pas Gilles. Je vais donc me charger de vous présenter quelques éléments de l'agenda. L'agenda local d'Éclat de Lumière. Un agenda du mois de juin, vous allez le voir, qui est finalement assez court parce que j'avais simplement envie de revenir avec vous très rapidement sur un grand événement qui s'est déroulé à Nancy le week-end dernier, à savoir le Heavy Weekend, qui a fait son retour pour une nouvelle édition avec en tête d'affiche des groupes de métal comme Sabaton, Gojira ou encore Electric Callboy. Une ambiance extrêmement conviviale au Zénith de Nancy avec un public qui répond toujours autant présent. Une organisation au top avec cette année le fameux système cashless, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'argent pour se rendre sur le site, et ça c'était quand même hyper intéressant et hyper important pour la sécurité de tous et pour des questions pratiques, donc je voulais quand même souligner ce très très bel événement du Heavy Weekend à retrouver, qu'on retrouvera sur une nouvelle édition l'année prochaine avec des groupes qui on l'espère seront aussi importants et aussi intéressants que ceux de cette édition. J'y étais personnellement le samedi et je vous avoue que je n'ai absolument pas regretté mon petit séjour. Mais ça n'est pas tout puisque nous avons également, et c'est assez rare pour le signaler, des petits coups de cœur à vous présenter au niveau national. L'agenda national d'Éclat de Lumière. L'agenda national qui va se résumer à deux expositions dont on a parlé sur le magazine papier, des coups de cœur très importants. C'est en premier lieu au musée d'Orsay l'exposition Renoir et l'amour, une très belle exposition sur un peintre impressionniste un petit peu boudé, parfois un petit peu oublié ou trop facilement résumé à ses paysages bucoliques et à son innocence. La rétrospective, elle est quand même assez importante avec à la fois une présentation des croquis et des dessins de Renoir, mais aussi des très beaux tableaux de ces scènes. On a pu retrouver certains de ses chefs-d'œuvre, comme par exemple le déjeuner des canotiers qui était présent au musée d'Orsay. Donc vraiment une très belle exposition à retrouver jusqu'au 5 juillet. Ne tardez pas parce qu'en plus il y a pas mal de monde. Et pour finir, une petite exposition également au musée de l'Orangerie, puisque le douanier Rousseau a eu le droit à son exposition également. C'est jusqu'au 20 juillet. Peintre, là encore, qu'on a souvent et trop facilement résumé à des tableaux un petit peu naïfs, un petit peu trop simples pour ce personnage qui n'a jamais fait d'études artistiques. Une exposition qui propose là de le percevoir sous un nouveau prisme, en faisant une rétrospective au fil de sa vie sur ses grandes jungles, mais aussi sur ses portraits, sur tout un tas de tableaux et d'inspirations qu'il a pu avoir au quotidien et durant sa vie et pendant sa retraite, puisque c'est là qu'il a peint la majorité de ses tableaux. Là encore, ne tardez pas, c'est une belle exposition avec des tableaux qui nous viennent des États-Unis, qui sont présents pour la première fois et peut-être unique fois en France de la Fondation Barnes. Donc surtout, ne tardez pas, c'est jusqu'au 20 juillet. Voilà pour ce très bel agenda et ces trois événements. Donc, on va passer à la toute dernière partie de l'émission. C'est une partie qu'on aime toujours autant. C'est le coup de cœur des invités. Le coup de cœur des invités avec donc des questions, Tony, qui concernent un petit peu vos goûts un petit peu plus personnels. Je vais vous poser quelques questions. Évidemment, vous avez le droit de ne pas répondre ou de dire tout simplement que vous ne savez pas, parce que ça peut aussi arriver de temps en temps. Alors Tony, première question, quel est le dernier livre que vous avez lu et quel est votre dernier coup de cœur littéraire? Le dernier livre que j'ai lu, c'est la biographie de Mark Twain. Ah oui. Autobiographie, pardon. Et c'est très intéressant parce que dedans, il dit, il a demandé que ce soit publié 100 ans après pour pas gêner les gens qui étaient vivants encore de ce qu'ils pensaient d'eux. Voilà. Très intéressant. Et 100 ans après, ça a été publié, donc pile 100 ans après. Et est-ce que vous avez un petit peu également un dernier achat littéraire que vous avez fait récemment d'un livre que vous n'avez pas forcément lu? C'est plutôt, je redécouvre certains livres que j'ai lus avant. C'est des auteurs russes. Je connais les films d'Erso Uzala. C'est un film de Kurosawa, c'est un film soviétique, mais fait par les Japonais. Et là, j'ai m'est offert le livre en russe et également en français par mon fils pour le lire. J'ai commencé à le lire, mais je n'avance pas. En plus, ce qui est intéressant, c'est un journal des capitaines dans le film qu'on le voit, qui était censuré à l'époque soviétique. Et là, on a l'intégrité dans la version en français. Donc, quand même un beau programme de lecture, ouais. Même si en ce moment, il y a quand même l'organisation du festival, donc c'est un petit peu plus compliqué de trouver du temps pour lire, je m'en doute. Est-ce que vous avez une BD, un manga, un roman graphique à nous recommander? Ah, mes enfants, ils se moquent de moi, parce que chaque fois quand je vais en ex-Yougoslavie, c'est très connu, c'est Alan Ford. C'est une bande dessinée assez grand centre italien. Avec des dessins qui sont des situations assez drôles, quelquefois critiques. Voilà, c'est chaque fois quand je suis là-bas, j'achète des exemplaires qui sortent, et c'est tout à fait des phrases qui sont sorties de ces bandes dessinées, qui sont ancrées dans le vocabulaire des gens de l'ex-Yougoslavie. Par exemple, ce qui est plus connu, c'est pour pas être pauvre, il faut être riche, par exemple. Et ça veut dire que donc c'est une série. On est bien d'accord. C'est une série. D'accord, ok. Voilà. Une exposition, un spectacle vivant que vous aimeriez recommander à nos auditeurs? Ça peut être du théâtre, ça peut être un musée, peu importe. Les spectacles vivants, mais c'est justement c'était ce qui était fait par le ballet de Lorraine avec comme disent les amateurs danseurs. Et là, il dansait aussi ma fille. J'adorais, j'ai vu ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura encore des projections? Et c'était justement quelque chose que je découvre aussi, parce que je n'étais pas éduqué dans la danse classique ou moderne. J'étais plutôt dans la traditionnelle, et j'ai présenté, comme je dis tout à l'heure avant l'émission, sur le festival des folklore à Bitola et l'Université de Novi. Et c'est l'autre chose, on découvre l'autre chose, mais on voit très bien aussi qu'il y a les liens entre le traditionnel avec les modernités, et finalement souvent la traditionnelle s'inspire beaucoup la modernité s'inspire beaucoup du traditionnel. Votre dernier coup de cœur musical? Alors, ça peut être un album, un morceau, ou alors une chanson que vous écoutez en boucle. Vous en avez évoqué un petit peu dans l'introduction de l'émission. Il y a beaucoup de chansons que j'écoute en boucle. Peut-être c'est cette yougo-nostalgie, comme on appelle ça, des groupes, parce que la Yougoslavie, ça mérite presque une émission de consacrer à ça. Un terreau de musique des différents genres. Il y avait Turbo Folk qui était écouté par tout le monde, les chansons traditionnelles, mais également des groupes très très modernes qui étaient le rock, hard rock, pop, et c'était vraiment très très présent dans notre vie quand on était jeune. Même aujourd'hui, la nouvelle génération écoute plus ça. Sinon, les chansons en français que j'aime bien beaucoup écouter, c'est des Jacques Brel, c'est Orly par exemple. De l'ex-Yougoslavie, il y en a plusieurs. C'est surtout, j'aime bien écouter Djordje Balashevich. Ils disent qu'il y avait des liens avec Josian Balashko. C'est de la même famille, ils disent. C'était un chanteur de ballades, on disait. C'était notre Brassens ou notre Brel de l'ex-Yougoslavie, des chansons antiguerres. Je ne connais pas du tout. Voilà, c'est très agréable d'écouter. Voilà. Ah, belle recommandation, j'ai l'impression. Hein. J'espère que nos auditeurs ont pris des notes pour finalement aller se procurer, oui, écouter, jeter un œil. On arrive à la fin de cette émission. Je tiens donc à remercier Tony, président bénévole du Festival du Film International de Nancy. Je remercie également Nuncia qui a coécrit et co-animé cette émission avec moi. Merci beaucoup à tous les deux pour cette belle émission. J'aurais pu rester encore des heures avec vous, vous le savez bien. N'oubliez pas, le festival du film international de Nancy commence le 26 juin et dure jusqu'au 5 juillet. Les informations sont à retrouver sur les réseaux sociaux de Lumière en Art, les deux pages Facebook Lumière en Art, Lumière en Art officiel, la page Instagram et le TikTok. Sans oublier également le site internet de Lumière en Art, les réseaux sociaux du Festival du Film International de Nancy et du site. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver aussi ce podcast en replay sur le site de Fadjet. Il sera donc à la réécoute pour pouvoir un peu faire votre choix parmi les films que l'on a proposés pendant cette émission. Et puis comme ça, vous pourrez vous préparer votre propre visite au Festival du Film. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère vous retrouver nombreux au cinéma cinéma en juin et début juillet, sous les étoiles ou dans les salles obscures. Quant à nous, on se retrouve pour une très belle émission au mois de juillet, une émission qui sera plus musicale, je n'en dis pas plus. Et je vous laisse avec le dernier album de Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, qui nous a sorti une pépite jazz très récemment. Le morceau s'appelle A Plea. On se retrouve le mois prochain sur Fadjet.